sur les dunes. Mais dans ce silence, une voix s'élève. Pas une prière, un serment. Riderski l'approche. Et le désert se... Partout, silencieux, mais puissant, invisible, mais réel.